Bonjour à tous et bonjour à toutes. Permettez-moi de vous présenter en cette première émission de l'année une excellente année. Je vous la souhaite très bonne, plein de réussite, la santé, l'argent, tout ce que vous voulez. On va commencer sur les chapeaux de roue avec la découverte. Si je vous dis la Flavor, pas grand-chose vous vient à l'esprit. Le groupe a été formé en 1967 dans l'Ohio et il est composé de 6 membres dont je vous épargnerai les noms. Alors ils sont les heureux auteurs d'un succès Mandolé. C'est leur morceau le plus connu. Par contre, pour surprendre tout le monde, en 1981, ils bifurquent de la musique disco vers le hard rock. Étonnant, non ? Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Pour notre rubrique des 100 hits, on va se pencher sur Céron et son Super Nature. En 1976, un magasinier de champs disques à Paris, croyait envoyer à New York un carton d'invendu de Barry White, envoie par erreur des dizaines d'exemplaires de Love in C Minor du batteur Céron. Ce disque français inconnu arrive aux oreilles de quelques DJ tombés à la renverse durant les 16 minutes de ce titre. Le succès est tel qu'Atlantic lui signe un contrat de distribution. Pour son troisième opus, inspiré par l'électro-disco de Giorgio Moroder, il prend une direction qui inquiète Atlantic. Super Nature est l'histoire d'un monde dans lequel des créatures fantasmagoriques, nées des abus de produits chimiques, surgissent des profondeurs de la Terre pour se venger des humains et de leurs expériences. Le texte est inspiré du roman de Howells, L'île du Docteur Moreau, adapté au ciné en 1977. Bien que Céron dit ne pas avoir cherché à dénoncer une dérive écologique, il n'en reste pas moins que le thème est visionnaire. La voix, la façon de chanter de Kay Garner amplifie le caractère mystérieux avec un côté androgyne, proche de Grace Jones ou à mon délire. Pour accompagner le single, Céron imagine un clip étrange. Il arrive au volant d'une Rolls-Royce, dans une plaine rocailleuse où vivent des femmes en tenue d'infirmière, accompagnées de personnes portant des masques figurant un animal fictif. Céron installe sa batterie et se met à jouer dans ce décor lunaire. Supernature se classe numéro 1 du top disco et devient un titre pionnier de l'électro-disco. On continue dans notre découverte des 100 meilleurs albums disco funk. Vous vous souvenez sans doute qu'avant les fêtes, on avait découvert Bad Girl de Donna Summer avec un premier morceau. Bad Girl est le 7e album studio de la chanteuse américaine et son 3e double album consécutif, suivant la parution de Once Upon a Time en 77 et Live on More en 78. Bad Girls apparaît le 25 avril 1979 sur le label bien sûr célèbre Casablanca Records. Bad Girls demeure le plus grand succès discographique de Donna Summer. L'album va rester 6 semaines en tête du Billboard 200 en 1979. Alors, il va aussi y avoir des numéros 1, il y a Hot Stuff et Bad Girl, ainsi que Dim All the Light, avec comme meilleur classement une 2e place des charts. Pour illustrer tout ceci, nous allons écouter Can't Get to Sleep at Night. C'est parti. Thank you. Maxi, je vous propose un titre de Delegation, Thanks to You, sorti en 1985, mais uniquement en single. On peut aussi le retrouver sur une compilation sortie en 89. Le son, bah, il flore bien les années 80, c'est vraiment son typique des années 80, et ça va représenter leur dernier succès d'estime. On va quand même les remercier. Thanks to you, wanna thank you, I wanna thank you. Thank you, girl. Just wanna thank you. I just wanna thank you. la pépite, Ashford & Simpson vont enchanter nos oreilles avec le titre Street Corner. Sorti en 1982, cet extrait de l'album Street Opera, bah le titre, bah il fleure bon, il sent bon le funk. Le duo aura d'ailleurs une grande influence durant les années 70. Ah, il fait bien sûr partie de la légende de la Motown. C'était en 1982 et ça donnait ça. Comme le temps passe vite, on est déjà au terme de notre émission. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.